Sur les vibrés, je trouve que ma gratte, elle sonne plus là. Avant, les aigus tonnaient avec du sustain. Là, j'ai l'impression que les aigus foirent. Hein, et c'est vrai que les basses sont pas belles aussi, quoi.